Temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle venue sur la scène littéraire, Marceline Baudier, qui vient nous parler de son premier roman, La fille au mitoté, publié en auto-édition chez LibriNova. Marceline vient d'obtenir le prix des étoiles 2017, un concours organisé par LibriNova en partenariat avec 20 minutes. Ce premier prix va lui permettre d'être édité par une grande maison d'édition. Bonjour Marceline. Bonjour Mona. Alors je vais vous laisser vous présenter, nous parler un petit peu de vous. Oui, je vous remercie de m'avoir invitée déjà. Vous venez de me présenter. Je m'appelle Marceline Baudier, j'ai 48 ans. La fille au mitoté est mon premier roman. Ça signifie que même si j'ai toujours écrit, pour moi, c'est la première fois avec La fille au mitoté que j'ai trouvé que ce que j'avais écrit était partageable. Et je me suis lancée l'année dernière en passant par cette maison d'auto-édition LibriNova qui m'a offert cette première reconnaissance avec le prix des étoiles qui signifie que maintenant on cherche un éditeur à mon roman. Et alors donc c'était une envie qui vous taraudait depuis tout le temps en fait, l'écriture. Il y a eu un déclic particulier ou... Non, je vois plutôt ça comme un continuum depuis que j'ai appris à lire et écrire. Quand j'étais petite fille, je racontais des histoires à mon petit frère, je les ai écrites parfois. Quand j'ai grandi, j'ai évidemment tenu un journal intime par moment. Mais un journal intime, ce n'est pas quelque chose de partageable. Donc c'était mon parcours qui faisait que j'avais besoin de m'exprimer par l'écriture. Mmh. Et puis, au fur et à mesure des années... j'ai glissé insensiblement, en quelque sorte. Je ne peux pas vous dire qu'il y a eu une date à partir de laquelle je suis passée au roman. J'ai plutôt glissé vers des idées de roman. Je me suis rendu compte que ce que j'écrivais s'éloignait de moi et commençait à ressembler à une sorte de projection dans un roman. Et puis, un beau jour, je me suis mise en face du fait que, ça y était, j'étais en train d'écrire réellement un roman. Alors là, j'ai commencé à réfléchir à la structure. Et puis, voilà, ça a continué jusqu'à ce que le texte que j'avais devant moi, qui m'apparaissait comme un objet qui devenait un petit peu étranger à moi, c'est-à-dire, comme j'ai mis des années à l'écrire, j'en ai pas une vision d'ensemble, j'ai pas l'impression d'avoir tout écrit d'un coup. C'est pas le cas, j'ai pas l'impression de le connaître en entier, je le connais par bout au fur et à mesure des années. Et ce texte-là, je me suis dit, quand je le relis, je me dis qu'il est partageable. Alors je l'ai partagé et puis c'était le début d'une nouvelle histoire. Et vous avez des rituels d'écriture? Vous écrivez tous les jours ou quand vous avez le temps? Je n'ai pas du tout de rituel d'écriture, c'est plutôt l'exact inverse. Dans les moments les plus inattendus, tout à coup, des idées me viennent. Et je ne peux pas forcément les noter tout de suite. Si je ne peux pas les noter dans l'heure qui suit, d'ailleurs, elles s'en vont. Donc plein d'idées m'échappent. Mais je les note, elles sont éparses, elles ne font pas forcément sens tout de suite. Mais après coup, comme je vous disais, au fur et à mesure du temps, je les raccroche à une histoire. D'accord. Alors parlez-nous de la fille au mitoté. C'est quoi d'abord le mitoté ? Le mitoté, c'est un terme que j'ai trouvé dans un livre de développement personnel qui s'appelle « Les quatre accords Toltec », que beaucoup de gens connaissent. C'est pas forcément un livre dont je sais parler et qui est mon livre de chevet. En revanche, c'est un livre où j'ai trouvé ce concept qui, en général, n'est pas tellement commenté quand on parle de ce livre. On parle plutôt des accords Toltec, c'est-à-dire une sorte de principe de vie. Et puis qui m'a paru être une sorte d'image poétique de la notion d'inconscient, mais c'était une autre manière d'en parler et qui permettait en plus d'y mettre ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est l'inconscient, c'est l'histoire d'une personne, mais c'est aussi l'histoire des autres telle qu'elle rejaillit sur elle, sur son psychisme. Et ça m'a paru un point de départ riche de possibilités pour construire un personnage de roman dans lequel il y aurait en partie une projection de moi, mais pas seulement. Mm-hmm. Alors l'histoire maintenant ? L'histoire de la fille au mitoté, c'est une histoire qui se passe sur deux générations. La première génération dans les années 70, c'est disons une bande de jeunes qui vivent à Nancy, une vie musicale, une vie de bohème pendant leurs études, qui prend brutalement fin de manière tragique lorsque l'un d'eux est assassiné dans des conditions mystérieuses. La deuxième partie, eh bien, ce sont leurs descendants, hein, disons une vingtaine d'années plus tard, qui se demandent ce qui est arrivé à leurs parents. Parce qu'ils devinent que ce qui est arrivé à la génération précédente et que la génération précédente n'a pas réussi à élucider rejaillit sur eux, mais d'une manière qu'ils ne comprennent pas, qui les entrave dans leur accession à l'âge adulte. Et donc, ils se lancent dans une enquête qui est également une quête d'identité. D'accord. Alors, nous revenons après ça. Nous sommes toujours avec Marceline Baudier. Alors Marceline, pourquoi le choix de cette musique de Led Zeppelin ? Oui, alors effectivement, il faut le dire, c'est Led Zeppelin, le titre Stairway to Heaven, dont on vient d'écouter les premières minutes. C'est une chanson très longue, une chanson des années 70, d'un groupe très célèbre, qui n'est pas de ma génération, mais que j'ai découvert à la quarantaine en explorant YouTube et que je me suis mise à adorer. J'ai choisi d'en faire une sorte de fil rouge dans le roman, à la fois pour la musique et pour les personnages. Pour la musique, parce que donc c'est une musique que j'aime réellement, que j'écoute réellement, et j'attribue à mes personnages des années 70 une fascination pour Led Zeppelin, et puis des moments enchantés lors d'un été où ils jouent ce titre, Stairway to Heaven, à la guitare sèche, en chantant, voilà, dans des conditions qui ressemblent un petit peu à... Voilà, un été enchanté. Et puis, c'est aussi pour les personnages, parce que donc sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de Led Zeppelin qu'on peut voir, de leurs concerts. Et j'ai trouvé qu'ils avaient tout simplement l'air eux-mêmes de personnages de romans. Alors, c'est un groupe, contrairement à l'impression qu'on a quand on écoute Stairway to Heaven, qui est classé dans le hard rock. Donc, ils ont quelque chose de la caricature des hard rockers, comme on les imagine, avec les cheveux longs, des vêtements pas de def des années 70. Bon. Mais aussi, c'était manifestement des gens qui vivaient sur scène, qui avaient besoin de la scène, qui réinventaient leurs chansons à chaque fois qu'ils passaient sur scène. Donc, il y en a plein de versions différentes qui sont à chaque fois comme des nouvelles versions de leurs chansons enregistrées, et puis qui sont à chaque fois une espèce de spectacle extraordinaire, quoi. Et ça m'a fascinée, et donc je prête cette fascination-là à un de mes personnages qui s'identifie au chanteur, qui s'appelle Robert Plant, et qui copie son style, voilà. Oui. Alors c'est une histoire à plusieurs tiroirs. C'est donc il y a l'adolescence de trois garçons, Stéphane, Jean-Jacques et Blaise, et d'une fille un peu plus jeune, Agatha, la sœur de Jean-Jacques, dans le début des années 80. Et 20 ans plus tard, l'histoire d'Esfera, la fille de Jean-Jacques et de Ruth, et de Robert Pinard, le fils de Stéphane et Virginie, qui sont en quête d'identité. Alors comment qualifiez-vous ce roman ? Un roman psychologique à énigmes ? Pourquoi pas ? Moi, je dis roman psychologique à suspense quand on me demande de le qualifier. Mais effectivement, il y a une énigme, et puis c'est une énigme qui est le prétexte à du suspense. Alors, roman psychologique parce que ce que j'ai fait, voilà, naturellement, c'est d'explorer l'inconscient des personnages. On m'a d'ailleurs dit que c'est un inconscient meurtrier qui est à l'œuvre dans ce roman. Je ne pense pas que je révèle quoi que ce soit en disant cela, parce que tout le monde a un inconscient de toute manière. Et voilà, je suis allée assez loin dans l'exploration de cet inconscient et de la psychologie des personnages, et ça me plaît. Ça me plaît aussi dans les romans que je lis moi-même. Et puis c'est un roman à suspense, parce que donc il y a une énigme qui date des années 80, qui est résolue 20 ans plus tard, et dont on a le fin mot à la toute fin du livre. Mais à ce moment-là, quand on comprend, qui a été le meurtrier, on comprend aussi le sens de l'histoire. Oui, c'est vrai. Alors, Robert Pinard, pour votre héros, c'est quand même un peu dur à porter, non ? C'est dur à porter, mais ce n'est pas un nom que j'ai choisi, c'est un nom qui s'est imposé à moi. Pourquoi ? Pour le prénom, parce que c'est cette fascination pour le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, qui a joué. Eh bien, il s'appelle Robert, donc mon personnage s'est appelé Robert aussi. On le comprend dans le livre, en le lisant. Et puis Pinard, je vais vous révéler quelque chose. Moi, je suis statisticienne, je travaille à l'INSEE, et l'INSEE, jusqu'à la semaine prochaine, a son adresse rue Adolphe Pinard à Paris. Donc, j'ai pris pour tous mes personnages des prénoms inspirés de ma vie professionnelle. Il y a pas mal de jeux de mots que seuls mes collègues peuvent comprendre, mais qui m'ont beaucoup amusée. Ah oui, ben j'imagine. Et donc, Robert Pinard, voilà. Alors, nous allons parler de la jeunesse des quatre amis dans un petit village lorrain, qu'ils partent faire leurs études à Nancy. Alors, ils sont unis, plutôt doués, et bien décidés à réussir. Mais on sent déjà une faille dans leur amitié. Alors est-ce dû au fait que Blaise a conscience d'être moins doué que les autres ? À l'attirance entre Agatha et Stéphane ? Ben justement, on ne sait pas. C'est un petit peu tout ça et d'autres choses encore. Moi, je suis intéressée par par la configuration en trio, qui est une configuration qui est toujours instable, puisque à l'intérieur d'un trio, il peut toujours y avoir des alliances entre deux, ou des moments où il y a des liens plus forts qui se nouent entre deux et qui excluent le troisième. Et tout cela bouge, et tout cela génère une situation qui est créatrice à la fois de frustration, de problèmes, ou alors au contraire de liens d'amitié. Et c'est cette configuration-là aussi qui m'a plu. Alors Stéphane, auteur, compositeur et interprète, commence une carrière de pop star très prometteuse. Alors vous en faites un homme plutôt doué, doté du pouvoir d'ensorceler n'importe quelle femme. Pourtant, il n'est pas très tendre avec celle-ci. Il dit à propos du sexe, je vous cite, « produit fatal du véritable objectif qui est de se sentir fort, vivant, sans limite en quelque sorte ». Alors après quoi court-il, lui ? Alors là, je vais être obligée de réfléchir en direct pour répondre à votre question. Après quoi court-il ? Mais certainement, déjà après ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce sentiment de se sentir vivant et de se dépasser soi-même, en fait. Après, oui. Bon, je me demandais s'il avait une préscience de son avenir, en fait, de son destin. Non, ça, non. Je ne crois pas que ça existe. Non. Après, c'est quand même... Mais c'est banal, hein, quelqu'un qui prend des risques, qui sait que son comportement peut lui valoir des ennemis. Mmh. Et en cela, enfin, pourriez toujours traduire ça comme une préscience de ce qui lui arrive. Mais à ce moment-là, ça, c'est quelque chose qui arrive à plein de gens, prendre des risques, avoir un comportement qui nous amène des ennemis, sans que pour autant ça se termine comme ça. Ouais. Alors il va être assassiné en pleine ascension et le coupable ne sera jamais identifié. Au moins jusqu'à la fin de votre livre. Alors vous êtes dur avec vos personnages, vous les condamnez à être toujours suspects et jamais coupables. Cela va avoir des répercussions épouvantables pour les survivants. Comment vont-ils pouvoir se reconstruire ? Est-ce que vous êtes en train de me parler du livre que je n'ai pas encore écrit et qui est la suite, non, que je n'écrirai pas. On me demande parfois, mais non. Oui, on pourrait penser qu'il y a une ouverture. On pourrait penser. Alors, c'est un peu difficile d'en parler parce que je suis obligée de parler du dénouement. Non, sans plus. Je comprends, mais malgré tout ce que j'ai envie. Enfin, je pense que ça. Disons que. On m'a parlé de ce dénouement à la fois comme beaucoup trop noir ou beaucoup trop optimiste. Vous voyez, je ne révèle pas grand-chose en disant ça. Et par conséquent, le destin des personnages, la manière de se reconstruire pour des survivants, mais aussi les survivants des années 80, hein, j'entends bien votre question, est complètement ouverte et peut aller dans un sens complètement optimiste comme dans un sens complètement catastrophique. Et ce qui m'a intéressée aussi, c'est la manière dont ça a été reçu, c'est-à-dire de voir que, à partir d'un même texte, où il se passe les mêmes événements tragiques, les mêmes possibilités de rédemption ou impossibilités, eh bien, certaines personnes l'interprètent comme quelque chose de scandaleusement optimiste, et d'autres l'interprètent comme quelque chose de scandaleusement pessimiste. C'est fascinant. Oui, c'est vrai. Alors, Virginie est enceinte à la mort de Stéphane. Et l'enfant, prénommé Robert, donc, part à la recherche de son père, parce que Virginie ne lui parle jamais de ses origines. Alors c'est inévitable pour un enfant de savoir d'où il vient, de rechercher, d'être en quête du passé de ses parents, de sa famille ? Il me semble que oui, hein. On passe tous notre vie à courir après ça, à essayer de comprendre pourquoi on est là, de comprendre qu'est-ce qu'on fait sur Terre et quels sont les événements qui ont fait qu'on est là plutôt que pas là. Après, je suis pas du tout une spécialiste de la question, hein, mais je sais que chez les personnes qui n'ont pas connu leurs parents, il y a toujours cette faille qui pousse à comprendre et à savoir qui étaient les parents. Donc c'est vrai, c'est une quête du père, ce livre. Oui, bien sûr. Alors dans cette histoire, je trouve que ce sont les femmes qui ont le plus souffert. Même si Jean-Jacques a eu sa part de problèmes, il s'est reconstruit avec l'aide de sa femme, Ruth. Agatha et Virginie sont les grandes perdantes, moi je trouve, dans votre histoire. J'avais pas vu les choses comme ça, mais bah oui, maintenant que vous me le dites, effectivement, enfin, elles sont les grandes perdantes. Pour autant, elles ont aussi une vie, une possibilité de construire quelque chose. Hein. Le personnage d'Agatha, par exemple, est quand même un personnage. Aucun des personnages n'est moi. Pour autant, je leur ai tous prêté quelque chose, et à Agatha, je lui ai prêté mon envie d'écrire, hein, puisque c'est une romancière que j'imagine à succès d'ailleurs, oui, dans mon roman. Et voilà, d'en faire un personnage qui trouve sa voie en écrivant, en publiant des livres, qui trouve sa manière de survivre aussi à ce qu'elle a vécu en écrivant des livres, eh bien, comment vous dire, je ne dirais pas que c'est uniquement de la souffrance, sa vie. Il y a quelque chose de réussi aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous faites dire à Agatha, justement, on ne choisit pas d'écrire, c'est l'écriture qui vous choisit. Mais encore faut-il l'accepter, vivre une vie qui le permette. Accepter d'écrire 100 pages et de n'en garder qu'une. Encore faut-il quelqu'un avec qui partager toutes ces pensées bouillonnantes pour faire le tri, pour identifier les plus abouties. Alors, c'est une phrase que vous pourriez reprendre à votre compte, celle-ci ? En partie, oui. C'est-à-dire le début, le fait que ce n'est pas nous qui choisissons d'écrire, mais l'écriture qui nous choisit complètement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je n'ai pas de rituel d'écriture, mais des idées d'écriture me viennent et je dois les écrire et c'est tout. Enfin, je ne sais pas l'exprimer autrement. En revanche, il faut quelqu'un pour partager. Oui, c'est vrai, il faut quelqu'un pour partager. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est quand même en grande partie solitaire, qu'il a été pour moi pendant des années. C'est-à-dire, j'écrivais en même temps que je menais ma vie professionnelle qui n'avait rien à voir à côté. Et ça n'est devenu, enfin, ça n'est sorti de la solitude qu'à partir du moment où j'ai vu que ça commençait à prendre forme de roman, que c'était partageable. Et là, oui, j'ai eu envie. Et là, il y a eu une phase où mon roman a été beaucoup relu par mon entourage, corrigé, réécrit, voilà. Mais vous voyez, c'est arrivé tard. Eh oui. Alors, on dirait que vous avez une fascination pour Saint-Augustin, sa vie et le sujet de l'opéra rock que Stéphane écrivait. Alors, qu'est-ce qui vous parle chez Saint-Augustin ? Ah, mais alors ça, c'est une réelle fascination personnelle que j'ai depuis longtemps pour le Saint-Augustin des Confessions. Mmh. C'est-à-dire que j'ai lu les Confessions un peu par hasard, quand j'avais 29 ans, très exactement, je me rappelle l'année. Hein. Un peu par hasard, parce que je me disais « Oh, c'est sûr, la doctrine de Saint-Augustin va me parler ». Pas du tout, je ne la connais pas. En revanche, j'aime bien les autobiographies et j'étais quand même assez fascinée par l'idée que quelqu'un qui a vécu au 5e siècle, donc quelqu'un de l'Antiquité, ait pu raconter sa vie. Donc je me suis dit « Un jour, il faudra que je lise ça ». Je l'ai lu et j'ai été extrêmement surprise, extrêmement, parce que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça, c'est un roman, enfin c'est un roman, non, c'est pas un roman, c'est un livre qui commence sur des sortes de litanies où l'auteur demande à Dieu de le pardonner parce qu'il a péché, etc. Donc on en a des pages et des pages comme ça. On est sur le point d'abandonner, parce que moi je ne suis quand même pas une spécialiste de l'Antiquité, bon. Et puis tout à coup, il raconte une anecdote sur sa relation à sa mère, il raconte un souvenir d'enfance, il raconte sa vie avec ses amis, il raconte des anecdotes de leur amitié, des jeux de cirque, enfin voilà. Et après il revient à ses litanies, et puis de nouveau une anecdote. Et alors, si vous voulez, ça produit une sorte d'effet de stupéfaction. Enfin moi, ça m'a produit un effet de stupéfaction, parce que au moment où la première anecdote est arrivée, j'étais préparée à tout sauf à ça, puisque je venais de lire 20 pages, 30 pages, où n'étaient que des litanies, voilà. Et l'idée que tout à coup, quelqu'un qui est mort depuis 1500 ans exprime des sentiments, un vécu qui ressemble tout à fait à celui que nous pouvons vivre. La relation à sa mère, bah oui, on l'a tous vécu. La relation avec ses amis, on a tous une expérience d'amitié. Enfin, il raconte, je sais plus, une anecdote d'enfance, il vole des poires, bon, il se fait prendre. C'est des choses très concrètes, très vivantes qui n'auraient probablement aucun intérêt si c'était juste raconté comme ça aujourd'hui, mais qui sont stupéfiantes quand on pense que c'est quelqu'un qui a disparu depuis extrêmement longtemps et qui, en plus de ça, était complètement sanctifié, considéré comme un père de l'Église, a produit une doctrine religieuse qui a été discutée, enfin voilà. Alors, avant de parler de vos projets, dites-nous où l'on peut trouver votre livre. Alors, mon livre... Tant qu'il est en auto-édition, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas un éditeur qui, termine cette phase d'auto-édition, ben, il est disponible sur toutes les plateformes qui vendent des livres numériques ou papier, c'est-à-dire la première d'entre elles, enfin la plus connue, Amazon, mais aussi la Fnac, et aussi tous les libraires indépendants. ou les groupements de libraires. Il existe sous forme numérique, mais aussi sous forme à papier, en impression à la demande. D'accord. Alors, quels sont vos projets maintenant ? J'ai plein de projets, mais je suppose que vous voulez me parler de mes projets d'écriture. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, à partir du moment où on se rend compte qu'on a envie d'écrire, on ne s'arrête pas. Donc, j'ai commencé à écrire un deuxième roman à partir du moment où j'ai fait lire le premier. Par contre, le paradoxe de l'aventure qui m'arrive, c'est qu'à partir du moment où j'ai auto-édité le premier, et oui, donc il a commencé à se passer quelque chose, il a commencé à être lu, j'ai commencé à essayer de me faire connaître, j'ai arrêté d'écrire le deuxième. Donc le paradoxe, c'est ça, c'est qu'au moment où je deviens écrivain, j'arrête d'écrire. Mais c'est momentané, bien entendu. Oui, et ça se passera aussi dans le milieu musical ? Il y aura aussi une ambiance musicale, mais tout à fait différente de la première, parce que de toute façon, je ne peux pas écrire sans mêler la musique à ce que j'écris. Ça se passera également à Nancy et en Lorraine. Voilà, ce sont des constantes. Et est-ce que vous allez participer à des salons du livre ? Vous allez aller à la rencontre de vos lecteurs ? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, parce qu'en tant qu'auteur auto-édité, ça peut se faire, mais bon, c'est pas... Enfin, c'est quelque chose que moi-même, je n'ai pas encore fait, mais ça pourrait venir lorsque j'aurai un éditeur, bien entendu. Oui. J'aimerais beaucoup, par exemple, être présente au livre sur la place, c'est évident. Ah oui, bien sûr, j'imagine. Alors, quel est pour vous le plus grand bonheur quand vous écrivez ? Le fait de pouvoir vivre plusieurs vies par procuration ? Ah oui, pouvoir vivre. Si, c'est ça, écrire, effectivement. C'est moi qui ai dit ça ou c'est... Non, comme ça. Ah, parce que j'aurais pu le dire. Oui, effectivement. On a une seule vie. Voilà, donc on est cantonné à une seule vie, en plus de ça, on ne sait pas quand elle s'arrête. En revanche, quand on écrit, mais aussi quand on lit, quand même, on en vit plein d'autres. Et c'est vrai que quand on écrit, ce qu'on a de plus par rapport à la lecture, c'est qu'on n'est pas entièrement au contrôle, aux manettes, mais on contrôle quand même en partie ce qui peut arriver. On peut réparer des choses qu'on ne vit pas dans la vraie vie. Enfin, moi, je pense que j'écris davantage avec ce qui ne m'arrive pas qu'avec ce qui m'est arrivé. C'est merveilleux. Ah bah oui, j'imagine bien. Et bon, on dit des fois que les personnages ont leur vie propre. Certains auteurs disent que les personnages leur échappent un peu quelque part. Ça a été votre cas ou vous avez maîtrisé jusqu'au bout ? Ils ont dit ce que vous aviez envie de dire ? Ils ont agi tel que vous aviez envie qu'ils agissent ? Ah non, c'est les personnages, effectivement, qui s'imposent à moi, c'est eux qui agissent. C'est difficile à expliquer, évidemment, parce que c'est quand même moi qui écris. Mais j'ai ce sentiment-là, effectivement, que les personnages me... quand une idée vient, en fait, c'est une idée d'un personnage que je dois saisir tout de suite, sinon elle m'échappe, comme si elle n'était pas à moi, quoi, comme s'il la reprenait. Et alors, on a juste une minute. Quel est votre écrivain préféré ? Je ne vais pas répondre exactement à cette question parce que j'en ai trop. En revanche, l'écrivain qui m'a influencée dans l'écriture de mon roman, je sais que c'est Ruth Rendell, écrivain anglais qui écrit des romans psychologiques à suspense, aussi des polars, mais c'est surtout ses romans psychologiques à suspense. En fait, c'est un genre répandu maintenant, mais c'est la première chez qui j'ai lu des romans psychologiques à suspense et j'ai été complètement emballée par cette manière de mêler une trame policière qui permet de maintenir un suspense, donc d'avoir envie de connaître la suite, et puis une exploration psychologique très fine des personnages. Et bon, le jour où j'ai écrit un roman, comme par hasard, c'était un roman psychologique à suspense. Oui, alors on ne peut que vous souhaiter le même succès que Ruth Rendell, quand même. Je vous remercie. Alors merci à Marceline Baudier d'être venue nous parler de son roman « La fille au mitoté », publié en auto-édition. Merci à vous. Au revoir à tous et à bientôt. Thank you.